Et maintenant, quand je ne me suis pas inscrit là-bas, quand on a commencé à me persécuter, c'est lui qui a dit que non, laissez le frère tranquille. C'est lui qui m'a défendu. Il a fait exactement comme Gamaliel. Il m'a dit, laissez le frère tranquille. Je veux te dire que la persécution que j'ai reçue, elle était terrible. Merde. Jusqu'à me prendre ma femme. Mon épouse avait deux enfants. Merde. Je suis déjà perdu, je suis un reprouvé, je suis pas. Parce que eux, ils savent que la seule église, c'est l'église Adventiste, l'église du reste. C'est comme ça qu'ils appellent les tout et tout. Il fait de raison. Alors, mon frère, pendant mon jeune camp, il voulait me faire revenir. Ça n'a pas été parce que ma femme a demandé le divorce. Attends, entre temps, ta femme était adventiste. Oui, ma femme. Alors, ils ont mis les meilleures impressions sur c'est moi-même qui. Un homme très bouillant là. C'est moi-même. Et les femmes aiment les positions comme ça. Voilà. Maintenant, c'est moi qui. Maintenant. On lui dit, mais ce n'est pas celui-même qui t'avait prêché ça. Ce n'est pas celui qui t'avait dit ça. Maintenant, il renonce à ça. Qu'on voit qu'il est perdu. Il faut faire attention. Elle a demandé le divorce. Marie, officiellement, jusqu'à obtenir son divorce. Alors, bref, ça, c'est les trucs. Bon. Alors, c'est là, je suis perdu. Je ne sais pas. Ça, c'est en quelle année maintenant? Nous sommes en l'an 2000. Je rejoins maintenant les frères. Dit de Dabista, parce qu'il n'habitait pas très loin de moi. Comment les faire chanter? Au moins, là, je vois quand même les doctrines. C'est un peu en règle. Les doctrines. Ce sont les brothers. Non, c'est pas. C'est même la nuit des filles là, qui m'a offert la Bible d'Abis parce que j'ai l'entraîné à. Je lui ai donné pour les cours de mathématiques. Elle est en Allemagne maintenant. Ah non, David, c'est le groupe Darby avec. Non, c'est le groupe dont tu parles là. Il y a des aspects de la doctrine qui sont bien, mais le truc de miracle, puissance là, il n'y croit pas à cela. Il croit à la cessation de certains dons, il respecte un poste de présent. Laisse le frère parler. Non. Quand on voit un juif pour pouvoir convaincre jusqu'à soi, c'est différent de quand la prédication et des choses. Moi, je dis que. Et tout, quelqu'un qui croit moi à la parole de Dieu, qui croit que la Bible est la parole de Dieu. Pourquoi j'allais le convaincre alors qu'il a venu pour dire que la Bible est la parole de Dieu. Pas de décision là-bas. Qui nous sont, qui m'ont pas été, puis je peux comme décision. La session sur la Bible. Sur la Bible, il y a la véracité de la Bible. Si il y a quelqu'un pour moi, si je parle, il croit à moi que la Bible est la parole de Dieu. Il n'y a plus là son problème. Amène directement dans la Bible là pour qu'il comprenne. Et tous les évidences, tout ça, ils font les projections, là. Tout ça, c'est pour amener quelqu'un à avoir confiance à la Bible et la parole de Dieu. Mais ce qu'on dit après la Bible et la parole de Dieu, ça c'est. On ferait même ça, ce n'est que les efforts humains vains. Non. Tu n'as pas à convaincre quelqu'un à la parole de Dieu, que c'est Dieu qui fait toutes choses. Donc ils ont fait le programme ou les projections, ils ont les projections, quand ils étaient projetés pour montrer que l'âge a été retrouvé, si ça a été retrouvé ou autre là-bas. Les évidences scientifiques, ils peuvent prendre les évidences scientifiques pour prouver tout ça. Mais là, on trouve ça. On trouve tout cela. Alors, bref. Ça, bon, nous sommes déjà allés un peu long. Donc, allons-y, rentrons dans le niveau des trucs. Donc, quand tu as lu le livre, donc, comment le déclic s'est passé à l'intérieur de toi? Non, le déclic est passé que j'étais troublé. Je ne comprenais pas. Pour moi, je savais qu'on ne peut obtenir le salut que par la foi, sans les œuvres. Mais comment je peux comprendre ça? C'était pour moi un trouble. J'ai passé tout le temps dans un milieu où on parlait du salut par les œuvres, par l'observation de la loi. Comment maintenant on peut me dire comme ça? Troublé, elle dit bon, je rejoins les questions, au moins une consultation parce qu'il y avait déjà le trouble dans mon foyer, pas menacé de partir. Je rejoins les frères d'Abyss entre parenthèses, quoi. Et là, c'est le frère d'Abyss. Tout comme que ce que j'ai vu là-bas, il y a beaucoup de vertus et rencontres là-bas. Je peux dire que ça me fait grâce de comprendre que j'étais perdu. Totalement perdu. Tous mes efforts que j'avais fait là, c'était avant. Il fallait que je comprenne cela. Et que le seul recours devait être le Seigneur Jésus. Et je veux dire que dans mes études personnelles et tout, j'ai compris que j'étais sauvé, que j'étais perdu. Et maintenant, ça m'a sauvé. J'ai eu une paix en moi malgré tout ce trouble. Autour, j'ai dit que non, je vais compter sur le Seigneur Jésus. C'est ainsi que, reste là, tout ce qui se passait là, à un moment, j'ai voulu me faire un blocage pour que mon épouse me divorce pas parce que j'avais la possibilité. J'avais de faire juriste et tout et tout et tout. J'ai dit que ça risque de me faire un grand problème. J'avais un foyer de mots. Maintenant, je sais que si on est marié, on ne divorce plus. Je vais faire comment? Je vais dire comment j'ai quand même encore l'envie de la femme. Je vais faire comment? Je suis resté là dans les pensées. Je ne voulais pas divorcer. À un moment, laisse-moi dire non, il faut laisser. Elle a divorcé. C'est après maintenant, dans mes yeux, je constate que non, la vie me dit que non. Si le frère a une femme non croyante, qu'est-ce qu'il se retire? Voilà, le frère est libre. Libre de quoi? Voilà, libre de quoi? J'ai commencé à analyser, j'ai compris que non. Libre, pourquoi pas, de se remarier. S'il a décidé, on ne peut pas faire de ça en lien. Mais c'est elle a pour son procès, tout ça. C'est elle qui a déposé, peut-être que, mais on m'a donné la garde des enfants. Parce que quand tu pars, j'ai un enfant de 5 ans et un autre de. Pardon. J'ai un enfant de. 7-8 ans. Deux enfants. 7-8 ans. Mais ma première fille qu'elle a laissée là-bas, elle fait 5e année à Maroua. Elle passe en 5e année à Maroua cette année. Oh. Elle fait énergie renouvelable. Elle doit sortir ingénieure cette année, Dieu voulant. Alors, elle, je suis confronté à ce truc-là. J'ai compris, dire ok. Bref, elle va. On va le verdict. Plutôt, elle a payé 500 000 francs. On avait demandé si elle travaillait pendant ce temps-là. Maintenant, elle travaille. Je lui ai donné une pension alimentaire, tout et tout le monde. Je ne l'ai pas demandé. Elle devait donner une pension. Oui, puisque c'est moi qui devais garder les enfants. Bon. Mais ils étaient résolus. Mais c'est demandé la pension alimentaire. Peut-être on mettait la pression. Les avantages. Oui, c'est ça. Les avantages allaient payer ça. J'ai dit non, je ne veux pas de leur argent. J'ai les mains, je travaille. En passant, j'ai fait une année à l'université. On a organisé une université menée de la grève parce qu'il ne faut pas qu'elle dise. J'ai fait 7 mois américano. Conseil américano, là, on tapait tout chaque semaine. Ici, là. Américano. Alors, j'étais fiché parce que je ne pouvais plus fréquenter, ne pas réussir, tout ça. Bon, je suis d'une famille très pauvre. Alors, il n'y avait personne qui pouvait m'envoyer à l'extérieur fréquenter. Je suis resté là. Alors, mais je vous dis que peut-être, parfois, quand j'ai mes amis colonels, j'ai mes amis, c'est le sous-préfet, préfet. Quand il reste, je dis, Seigneur, peut-être tu as bien voulu qu'il n'aille pas parce que je ne sais pas. Bon, j'ai dit, je ne sais pas. Et quand je combats aussi, peut-être, non, j'ai dit, ok. Alors, bref, je vais te dire que mon frère, c'est ainsi que je rentre au milieu de ce frère-là. Le Seigneur m'amène à comprendre beaucoup de choses. Je vois, ce sont des vérités, mais je ne vois pas la vie en elle-même des chrétiens. Ils sont un peu carrés. Et puis, je vois aussi, ils sont très exclusifs. C'est-à-dire, pour un monde de trucs comme ça, là. Alors, il y avait un problème de baptême là-bas. J'ai sauté là-dessus. Bon, il y avait d'abord un frère qu'on avait exclu. Il était linguiste là. On est parti le mettre sous censure. Si c'est à chaque fois en Allemagne là-bas, une lettre vient qu'on a excommunié, l'autre vient qu'on recommande. On doit considérer que nous connaissons les dada de B. J'ai dit, bon, examinons, voyons la vie du frère, même pour voir normalement, qu'on écoute. Ils disent que non, comme le premier frère, dépressé comme ça là après finalement. Je suis parti, j'ai commencé. J'ai commencé avec les idées de maison. J'ai rencontré deux frères là. Ah non, c'est que ça a investi dans le gars de là. Je oublie son nom. Hein? Tout à fait, que là, j'ai des problèmes un peu comme ça. Et puis, dans ce cas-là, voilà, les frères d'Abyss aussi, moi, j'ai senti le besoin de connaître profondément la parole. Il n'y a pas des instruments, il n'y a pas beaucoup d'outils. J'ai dit, bon, ok, je devais aller à l'université. Je suis allé à l'université. Je vais aller. Il y a un institut biblique là, un facteur de théologie. Et tout ça dans ta quête de savoir. Dans ma quête de savoir. Quand vous quittez Yaoundé, avant Obaala, en Fomaka, 12 km en Yaoundé, je suis parti m'inscrire là-bas. C'est pour moi, c'est un arrêt de moi. Je me suis mis de côté. Et avec le problème de baptême, parce que j'ai bâti des enfants. J'avais bâti des enfants. Ça, vous savez pas, peut-être. Bâti des enfants. Et je devais tous se réveiller, non. Et ils sont même, je peux dire, un peu légalistes. Un peu légaliste. Je me suis mis de côté et j'ai commencé avec des églises de maison. On se ministère comme ça, tant mieux comme tu sais que parfois c'est un peu laborieux, tu la vois des frères de n'importe. C'est là où le message de sauver là. Encore de la maison. Moi, je suis directement des Coréens. Ils sont venus ici. Vous savez que les premiers Coréens qui sont venus avec cela, tu les as rencontrés directement. J'ai dit qu'ils sont venus, ils ont organisé un truc là, un séminaire, comme ils appellent ça. On m'a invité. J'avais un séminaire de passer, un séminaire de ci là. Quand on m'a invité, j'ai dit que non, je n'aime pas d'âme, je n'aime plus d'âme, ma chère Pantifouri, parce que ça n'avait pas difficile que ça essaie. Alors, un frère qui est pas là-bas, on dit mon frère, pardon, viens. Bien sûr, c'est ce que j'arrive là-bas. Tout comme qui sont quand même différents. Les pentecôtistes. Monsieur le Mésia, ils voient quand même qu'ils ont quand même cette logique, mais c'est bon. Beaucoup parfois des veines rédites et tout, et tout, et tout, et tout, et tout ça comme ça. Bon, j'ai dit, bon, quand même, moi, c'est un groupe qui est un peu plus proche là. J'ai dit, comment ça? Le fait même de, avec une réunion là, je me demande, tu m'entends là-bas, c'est comment? Il dit, de toute façon, que les deux vous-même d'aller suivre. Mm-hmm. Comme ça, le bien de ce que vont là-bas, ils vont se faire séduire parce que on disait que c'est-à-dire, les convois apportaient de l'argent. C'est terrible. Moi, quand on reste avec celui qu'on avait le groupe responsable d'ici là, je constate que lui ne comprend même rien, même de ce que les convois disaient, il ne comprend rien. Le responsable lui-même. Le responsable même qu'on avait laissé ici là, mm-hmm. Boka. Il sait pas comment. Hein? Boka. Boka, c'est un nordiste. Oui, un nordiste. Mm-hmm. Alors, lui, il fait l'éloge de Yongi Show, il fait l'éloge de. Attends, c'est le groupe-là sort de Yongi Show. Non! C'est du Boka là! Parce que c'est que le groupe-là, tu l'as suivi quand même. Oui, oui. Que personne ne peut faire l'apologie de Yongi Show. Absolument. Alors, Boka, il fait l'apologie de Yongi Show, de Faux Moon et de Bon, que j'ai dit, mais celui-là, ça c'est la troisième part, là, c'est ce qu'on appelle. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas. Mais quand même, quand je l'appelais parfois, de côté, et quand je lui parlais, on essaie de s'entendre là-bas. Et partout tu entres, tu es parmi les leaders seulement. Oui. Alors maintenant, on essaie d'entendre, mais quand je tourne le dos, la personne dit que Moïse là, c'est un bonhomme très dangereux. Il faut faire attention de lui. Dit Moïse là, c'est un dangereux. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce que. Un jour, il parle la Bible, il commence. Hein. Il me permettait parfois d'enseigner. Mm-hmm. Quand il commençait à lui donner, à lui faire beaucoup de remarques là-bas. Il comme était lui le leader numéro 1 que les collègues appellent le chien. Mm-hmm. Il bloquait donc l'accès. Voilà. Lui, il était en Corée. Mm-hmm. Il est allé là-bas, peut-être. Il est parti. C'est quand il est parti. Parce que les confrères de Yongi Show, c'est là-bas quand il manque maintenant, il a cherché, comme on appelle, les partenaires. Uh-huh. Quand il n'a pas pu trouver là-bas, dans le truc là-bas. Il a guetté comme Bagon, il a le plus grand centre de prier au-delà des mondes là-bas. Il a commencé à guetter un peu partout. Mm-hmm. Encore, c'est là où il tombe. C'est Yongi Show. Non, c'est les frères, les voilà. Eux ont devenu maintenant mettre implanté un groupe. Comme ils avaient déjà un relais sur place. Ah, ça, on n'avait pas encore de relais. Mais il dit que comme ils ont un appui déjà par celui-là, maintenant, ils les avaient là-bas, ils le font pendant 6 mois. Mm-hmm. Parce que le Coréen, d'ailleurs, ne sait pas qui est celui-là. Donc, c'est le fait de dire que pour eux là-bas, en tant que Coréen, si tu dis que Jésus, que tu es le Seigneur, que tu es le Seigneur, c'est comme le Juif qui vient dire que Jésus, que c'est pour lui. Mm-hmm. Quitter de Bouddha pour devenir Jésus, pour un entier sauvé. Mm-hmm. Quand le gars commence à parler, Jésus, que non, il dit que non, c'est un sauvé, il renvoie au Cameroun. Le gars nourrit, véhiculé, logé. Son évangile, c'était que non. Les Coréens vont faire ceci, ils vont nous partir des grands. Les pasteurs qui vont devenir pasteurs là-bas, ils auront chacun la retraite. Au Cameroun, la retraite, en Corée, et si c'est là, et on ira en retraite à 70 ans, tout ça. Il a influencé beaucoup. Beaucoup de gens seront surpris de se retrouver en enfer parce qu'ils se sont approchés au bien éphémère de ce monde. Je vous envoie ce message donc aujourd'hui. Préparez-vous de peur qu'à la dernière minute, vous disiez si j'avais su. Abibote Asuna, Bazoko Suvenue. Amuna Baviane, Yemme Sindo, Nema, Mesemene. Amuna Yogiana, Ntavane, Chiri. Avoue, Yamme Bam, Amuna Nesame. Amuna Sinu Yayelot, Amam Seya, Yayena Misema. Le jour du jugement, ce fameux jour, nous allons tous nous retrouver devant le Seigneur à faire le bilan de notre vie. Si le bilan est négatif, c'est l'enfer. Un mot, c'est Christ, aïe, son, Aluti isi yoma jo Avala bouye mame daye boban Amo sote Kala te zambe Aye ene diana Disse se daye ene kristana son minkoute Ceux qui ont cru en Jésus Qui ont supporté les persécutions Ils recevront la couronne de gloire. Mbaya mindi kebuni, berbel, kebune yengana. Waye kusame tajo yesu sena, demengaye me kumoma. Aye bona Amo se yesu sa yeso Na luti isi nguna mejo Emo milangala Amo se te yesu sa yebo me kone sabe Amuna Vame maneya Amo se te Dala te zambe la Bible Nous le révèle aujourd'hui Le jugement commencera dans l'église. A Jésus, mon gâteau pasteur, mon gâteau prêtre, mon évêque, mon dit à me woe, à ma mode, de la sort. Mon gâteau, mon nia, sinami, quand te botte, bamba, foy, un poé, d'agni, botte, minga, quand te philosophie, et mon milan, de la sort. Seigneur Jésus, moi j'étais ancien l'église. Me mené à ma diaye, me compte habillé, pour le même ici, de la consort. Aïe, sous ce mon bon majona, moi j'étais le diacre. Me diacone, y'a ma bon mienne, de y'a me y'a sous ce, de la consort. Un gâteau de ta choriste, les choristes de l'ambiance. La diane veut me louer à Begombo pour le manisé de la consort. Moi j'étais protestant, l'église réformée. Ce n'est pas la réformation qui donne la vie de la consort. Seigneur Jésus, moi j'étais pentecôtiste, les seules églises réveillées. Est-ce que toi-même tu es réveillé, tout doucement et l'autoconsort. J'avais adoré Marie ta mère, j'étais même mariologue, josephologue. Il n'y a pas de godasse dans mon royaume, que le consort. Seigneur Jésus, en ton nom, j'ai chassé les démons. Je ne t'ai jamais envoyé à chasser, que le consort. J'étais témoin de Jéhovah, tu as bien fait de témoigner. Mais j'aurais voulu que tu sois enfant de Dieu, que le consort. J'étais musulman, le Coran parlait même de Jésus, c'est bon. Mais tu as refusé que je suis la vie, que le consort. J'étais rosicrucien, on m'a dit que Jésus tu étais maître rosicrucien. Era fomboutoukou, nadame fondosé, que le consort. À vous les dirigeants du monde, vous avez refusé ma justice. Ce qui vous a intéressé, c'est le pouvoir et l'argent sort. Président, ministre, gouverneur, directeur, préfet, pour diriger mes créatures, tu ne t'es même pas soucié de tous ces gens et de leur sort. Assez Yudo, Dina, disent ce sourire, Raoul finish. You don't want about the fire, they waiting for you in my coming. Go, Mimo, you drink tobacco, you jump, woman, na you, fe na you, gonna be so. Angelo, my journey, I want Angelo. Ozaka, you know, be a Susanna, gonna be Pardon, papa.